et ça fait. Si l'ambiance électrique et l'avenir est étriqué, faut qu'on perd fort, faire fort, finir friqué. Entouré de briques et l'amour est fabriqué. Je glisse en bling bling grâce au public et c'est briqué. J'ai gardé la vista, ma vie est un freestyle. Équilibre entre l'enfer et le paradis fisc. J'ai pris trop de risques, courir pour le Christ. Pas de message codé, je finis aux côtés de Christ. We were on the floor and so much more. Get moving that away. Pendant que la police guette mon star, ghetto star. Nécropolitain avec un bête de star. Let's go back to mine for a smoke and wine. If you want to, you can stay. Et je représente le hip-hop, hip-hop. Symbole de l'Afrique, ce que ma clique porte. It's time for some action, pure satisfaction. Who's the wild girl with turned up Jackson? Loving with passion, splishing and splashing. Up until the morning at the make a man dashing. Ce n'est que le début, on arrive sur le reste du monde. Ce soir on fait bouger tous les corps, je te promets. Fais bouger les corps, je te promets. Ce soir on fait bouger tous les corps, je te promets. Fais bouger les corps, je te promets, c'est ça même. Kinshasa est dans la place, Paris est dans la place, et ça fait bim bada bing, bim bada bing. Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie 93.5. Bonjour, merci d'avoir choisi Énergie. On est ensemble pour une nouvelle matinée. J'avais anticipé hier. Hein. C'est bien aujourd'hui la Sainte Fleur, Capucine, Violette et Jasmine. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Un requin aperçu à Poé, le squale bagué et chassé du lagon a été aperçu en train de dévorer des viscères de cerf abandonnés. La présence de cette carcasse intrigue. Un Australien décède à Marais, l'homme âgé de 58 ans s'est noyé hier sur la plage de Wedgeley. Et puis hier, un conducteur qui circulait dans la ligne droite entre le pont de Rivière-Salée et le pont de l'Impérial s'est fait prendre à une vitesse de 160 km/h sur une portion de route limitée à 70. Son permis lui a été immédiatement retiré pour les 6 prochains mois. Deux modifications du budget 2016 étaient au programme de la réunion du gouvernement hier. La part des amendes dues aux infractions à la circulation routière reversées aux communes reste donc à 60%. Le porte-parole du gouvernement n'est pas inquiet car les amendes ont été bien plus nombreuses cette année que l'an passé. En métropole, le gouvernement a dû se défendre des accusations de bricolage lancées après l'annonce du plan de sauvetage du site Alstom de Belfort qui passera par l'achat par l'État de TGV pour les faire rouler à vitesse réduite. À Strasbourg, Emmanuel Macron ébauche un début de programme pour son premier meeting depuis son départ du gouvernement intervenu fin août. L'ouragan Matthew s'abat sur Haïti. Il est passé dans la matinée du mardi sur le sud-ouest de Haïti, provoquant des rafales soufflant à 230 km/h. Le bilan provisoire fait état d'au moins 3 morts. Des dizaines d'habitations ont été endommagées et des milliers de personnes évacuées. Enfin, le Nobel de physique pour 3 chercheurs d'origine britannique pour leurs études sur les changements d'état inhabituels de la matière qui pourraient donc ouvrir la voie à de multiples innovations dans le domaine de l'électronique. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Pour bien démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Païta et Point Bout. Étonnant, hein, ce prix Nobel. Oui. Toujours des choses un peu mystérieuses. J'essaie à t'expliquer ça clairement tout à l'heure. Oui. Eh ben c'est bien, oui, il y a toujours la possibilité de l'expliquer clairement. Enfin, on espère en tout cas. Oui, c'est pas évident quand même. Quand les mecs nous avaient expliqué la physique quantique et tout ça, on était. La physique quoi ? Oui, voilà, c'est ça. Et oui. C'est loin tout ça, ouais. Bon, nous, on va parler de la vie chère. Oh là là. La vie quoi ? La vie chère. Bon, on va aller. Il y a une grande manifestation qui est organisée. Si vous voulez y participer, ça se passe à Versailles. Ça va se passer en 1789. Ah, d'accord, j'allais te dire. Pour la vie chère à Versailles, ça va faire loin. Eh oui, déjà, ça râle. Ils vont aller voir Marie-Antoinette, ils vont la chercher, tout ça. Ils vont demander du pain ? Non, c'est bien après. C'est après. C'est après le 14 juillet 1789. On sera au mois d'octobre. Le 5 octobre 1789, ça correspond au 5 octobre comme aujourd'hui. Ben merci JB. Eh ben voilà, c'est parti, madame, monsieur, bienvenue, bon réveil à tous. S'il y a des choses à nous signaler sur la route, en particulier le 05 34 34, il est là pour vous. I won't just survive. Oh, you will see me thrive. Can write my story. D'énergie, c'est un jour, un événement. On remonte dans l'histoire, le 5 octobre 1789. À Paris, quelques milliers de femmes, mécontentes de la cherté de la vie et de la disette, se rendent à Versailles auprès du roi Louis XVI. Des chômeurs sont de la partie, ainsi que d'anciens combattants de la Bastille. Chacun brandit une arme improvisée, fourche ou pique. L'assemblée est envahie par une délégation de femmes qui se rend auprès du roi, et celui-ci les écoute et promet de ravitailler Paris. Mais le lendemain, les grilles du château sont forcés et la foule se rue vers les appartements de la reine. Celle-ci s'enfuit et s'échappe de peu au massacre, mais quelques gardes du corps sont quand même tués.

Friday afternoon. On my hands and knees, rehearsing my pretty please. Climb the highest mountain. If I were sorry, shout it from the top. Swim underwater until my lungs exploded. Walk into the fire. If I were sorry, I'd run 1,000 miles. Wouldn't stop until I dropped. Wouldn't take the breaks. Breathe until I got close enough. Then I'd do it all again. If I really had the chance. But I know deep inside, for you it's just another dance. If I were sorry, I'd give you all the glory. If I were sorry, if I were sorry, it would be a different story. If I were sorry, if I were sorry. Oh, I'd hold my breath till my face turned blue. I'd rob a bank and a post office too. Swim across the ocean. If I were sorry, I'd take a vow of silence. I wouldn't say a single word until you really heard. If I were sorry, I'd run 1,000 miles. Wouldn't stop until I dropped. Wouldn't take the breaks. Breathe until I got close. Your mistake had a price. Oh, you threw it all away. Cause you're the devil in disguise. Now would you ever realize the consequences of your lies? Then would you save the fallen T-Rex as if there's nothing there? If I were sorry. Avec Matériau Center, réalisez vos projets sur www.matériaucenter.nc. Le 5 octobre, le saviez-vous, c'est la journée mondiale des enseignantes et des enseignants. Et oui, sans les enseignants, l'éducation ne remplirait pas le rôle qui lui est assigné, car enseigner ne signifie pas uniquement apprendre à l'élève une série de faits et de nombres, c'est inspirer, libérer le potentiel de l'enfant, lui offrir de nouvelles perspectives. Enseigner, c'est aider les enfants à concrétiser leur rêve d'un monde meilleur. Et c'est pourquoi l'International de l'éducation insiste tellement sur le droit de chaque enfant dans le monde à bénéficier de l'attention de personnel qualifié. Enseignante, enseignant, on pense à vous, c'est votre journée mondiale. Et le slogan de cette année, de la qualité de l'enseignement dépend la qualité du monde de demain. Énergie Nouvelle-Calédonie. 93.5. À suivre, la météo. Nutrition sportive, matériel de remise en forme, fitness et accessoires. Faites-vous conseiller par Body Action. Toutes les infos sur Facebook. Body Action, le seul spécialiste de la forme depuis 28 ans. Vos enfants ont entre 3 et 8 ans, rejoignez Atoubouchou 3 pour les stages vacances périscolaires. Une équipe bienveillante, des activités ludiques et un environnement sécurisé et adapté aux besoins de votre enfant. Enseignement au 46 27 27. Atoubouchou 3 à Auteuil. Vous avez plus de 24 ans? Vous êtes passionné d'automobile? Peugeot Nouvelle-Calédonie organise un casting de pilotes d'essai pour tester en avant-première les nouveautés Peugeot. Inscription avant le 30 octobre sur www.essai.peugeot.nc. Seulement 6 places disponibles. Ménard Automobile, 41 44 70. Du 7 au 15 octobre, venez participer au festival La Première Séance Orex Nouméa. Au programme, des ateliers, des animations et des films au prix unique de 100 francs. La première séance, un feu d'artifice d'émotion présenté par l'association Jeunes Étoiles et la ville de Nouméa. Jusqu'au 30 octobre à la 7, c'est le moment de vous équiper. Découvrez les nouveautés et les offres exclusives sur l'électroportatif de Walt. Essai en magasin, conseil de pro, SAV sur place, facilité de paiement. Attention, stock limité. Plus d'infos en magasin et sur www.7.nc. La 7, c'est le tout en un des matériaux de construction à Ducos, Païta, Koné et Ilifou. Nouméa Centre-Ville présente le jeu des destinations Province-Sud. Le 6 octobre, toute la Province-Sud débarque sur la place des Cocotiers de 10h à 19h. Parcours d'acrobranche, visite de musées, balade en poney ou en segway, marché, spectacle, faites le plein de produits locaux, d'activités touristiques et d'animations culturelles avec Nouvelle-Calédonie Tourisme.Sud. Plus d'infos sur la page Facebook Nouméa Centre-Ville. Les jeudis du Centre-Ville, le best of the Lille. En partenariat avec les Nouvelles-Calédoniennes, le gratuit, NC Première, Everything, Coca-Cola et Great Wall. Nouméa Centre-Ville, la ville côté plaisir. Naman, en Nouvelle-Calédonie, c'est trois dates exceptionnelles pour tout public. Une spéciale Wazao Party, sans alcool, sans tabac, réservée uniquement aux moins de 16 ans pendant les vacances scolaires. Le mercredi 12 octobre de 18h à minuit au Jeepies Bar. Prévente chez Hit The Beach. Et pour les plus grands, Naman sera avec tous ses musiciens également au Jeepies Bar le jeudi 13 octobre et au Grand Deck du Quendu Beach le vendredi 14 octobre accompagné de INI et Caspa. Prévente chez Micromedia, Blue Barrel ou www.inlive.nc. Toutes les infos sur le Facebook Le Froid Bar en Live. Le bulletin météo d'énergie. Avec Ménard Occasion, acheter ou vendre sa voiture au meilleur prix, c'est simple et c'est un seul numéro, 41 45 08. Le point avec Météo France ce matin, le soleil est bien présent sur le pays. Quelques nuages et de rares ondées s'invitent toutefois sur les loyautés. Le vent reste variable faible, variant au gré des brises thermiques. Dans l'après-midi, le temps reste plus ensoleillé. Malgré l'arrivée de bandes de nuages d'altitude, les brises de mer atteignent 10 nœuds sur l'ouest, 5 nœuds sur l'est. Et peu ou pas de vent sur les autres régions. Du côté des températures, on est stable dans la fourchette de 27 à 31 degrés. Demain matin, une bande nuageuse aborde le pays et donne un ciel très nuageux à couvert, avec de petites pluies sur l'ouest et le sud. Ailleurs, les éclaircies résistent, mais quelques ondées sont possibles. Et rapide amélioration dans l'après-midi, avec le retour demain de belles éclaircies sous un ciel encore parfois voilé. Et reprise également très nette de la Lisière. Il sera de secteur sud, puis de sud-est. La météo, c'est trois rendez-vous quotidiens avec Ménard Occasion. Pour plus d'infos sur nos véhicules, rendez-vous sur notre page Facebook. stood by no one. Can it be that I hear what he's saying? Is there a reason why I'm still awake? And he said, speak to the moon, pale as a ghost in the afternoon. Tragedy has a hold on my mind, but I can see the light between the le Morning Energy. Avec Matériaux Center, 7000 mètres carrés de matériaux de construction pour réaliser et bâtir vos projets. 28 0404. Le cadeau du mois avec Energy, c'est 100 000 francs en cash quasiment, puisque vous aurez 100 000 francs de bon d'achat. Ça revient au même du cash ou ce bon d'achat. Bah oui, c'est un cadeau pour seulement la valeur de 368 000 francs. Non, 368 francs, bah bien sûr, le change est intéressant. 368 contre 100 000, yes. Alors, pour faire ça, bah, vous envoyez 100 CENT au 41. Et à vous le bon d'achat, c'est un tirage au sort qui aura lieu à la fin du mois, le lundi 31 octobre. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Il est 6h30, bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Un requin tigre bagué attiré par une carcasse de cerf à Poé. Sa visite a plongé en rien de temps Poé les autorités dans l'inquiétude. Samedi vers 10h, un requin d'environ 2,50 m a été observé entre la faille Shark et l'îlot Eori à quelques mètres de la plage. Alors ce squale est bien particulier, il s'agit en effet d'un tigre bagué. Il y a plusieurs semaines, lors des opérations de capture et de déplacement des requins en dehors du lagon, et ce après l'attaque mortelle du 9 avril de Nicole Malignon. Les restes de viscères que le tigre allait dévorer ont été évacués. Les gardes nature ont prévenu les pompiers de la commune, qui ont donc mis en place une surveillance commune. Les quelques baigneurs ont été prévenus et priés de quitter l'eau. Un acte, s'il s'avère volontaire, complètement irresponsable, qui aurait pu être lourd de conséquences et qui rappelle en filigrane la lettre de menace d'un comité de soutien aux familles T1 Caréou, clan expulsé en 2015 de la plage de Deva, envoyé à la mairie de Bouray et la Maison Bleue un mois après l'attaque d'avril. Un Australien décède à Marée. Le touriste âgé de 58 ans était arrivé sur l'île hier matin en bateau de croisière. L'homme s'est noyé alors qu'il était en train de se baigner sur la plage de Yedjele aux alentours de 13h. Après avoir fait de grands signes, l'homme a été secouru par les pompiers en surveillance sur la plage, mais il était déjà en arrêt cardio-respiratoire. Il est décédé malgré les massages cardiaques effectués par les pompiers et les secours du dispensaire. Les conduites inconscientes sur les routes calédoniennes s'enchaînent et les sanctions tombent. Hier à 11h10, un conducteur qui circulait dans la ligne droite entre le pont de Rivière-Salée et le pont de l'Impérial au volant d'un véhicule de société s'est fait prendre à une vitesse de 160 km/h sur une portion de route limitée à 70. La sanction est immédiate, rétention du permis de conduire effectué et suspension de 6 mois. Et lundi, c'est dans l'agglomération de Connay qu'un conducteur de 35 ans a été interpellé après avoir été flashé au volant de son 4x4 à 120 km/h pour une vitesse limitée à 50 km/h. Le gouvernement en métropole a dû se défendre des accusations de bricolage lancées après l'annonce du plan de sauvetage du site Alstom de Belfort, qui passera par l'achat par l'État de TGV pour les faire rouler à vitesse réduite. À moins de 7 mois de l'élection présidentielle, François Hollande et Manuel Valls ont sans doute évité, avec l'aide du secrétaire d'État à l'industrie, un nouveau Florange où la fermeture des hauts fourneaux reste un symbole de l'incapacité du pouvoir à tenir ses promesses. Et puis l'ouragan Matthew s'abat sur Haïti. Il est passé dans la matinée de mardi dans le sud-ouest d'Haïti, provoquant des rafales soufflant à 230 km/h. Le bilan provisoire fait état d'au moins 3 morts. Des dizaines d'habitations ont été endommagées et des milliers de personnes évacuées. Au total, 9 280 personnes ont été évacuées dans les écoles, églises et autres centres communautaires. C'est la pire tempête qu'Haïti ait connue depuis des décennies et les dégâts seront sans doute significatifs. C'est inquiété. Le représentant d'UNICEF en Haïti, plus de 4 millions d'enfants pourraient être exposés aux dégâts de l'ouragan, a également alerté l'organisation. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Se mêle au son de mes pas, mon écho se perd au loin. Encore, tu dessines à l'encre nos corps sur l'horizon qui nous dévore. Tu m'appelles et tout s'en va. Le temps s'écoule et je t'attends là dans cette foule. Tu ne m'entends pas.

Un bac pro ça paye pas. Avec les schrapp pour le rap, ben en veille d'art. Malgré les découvertes, les sales patrons, j'ai tout plaqué à la conquête des sales partons. Un projet suicidaire, ça passe ou on se casse. Et tu nous suicidèmes. Déterminé, on part en France sans armure. Et les plus terre à terre, disent qu'on fonce dans armure. Les darons savent pas ce que je fais, ils disent que je dors. Ils pensent que leur fils on ne vit que d'or. Sans savoir que ce petit qu'on prépare des disques d'or. Et que tous ceux qu'ils négligent, ben en plus que d'or. J'ai où je vais sans savoir si je serai le bienvenu. Je suis pas invité, je suis accompagné d'OVNI. Je me dirige vers la gloire et les blèmes, pro. La musique est une femme à problème, mais putain, c'est je ma direction. J'ai pété les plans sans abandonner ni baisser les bras. Plus nouvelle, pas très faible, malédiction. Dorénavant, je fais de l'avant, c'est ma direction. Ma direction. T'es foutu si tu échoues dans ta situation. Foutu si tu échoues dans ta situation. Take my time going to work. I got a motorcycle and a sleeping bag. And 10 or 15 girls. What the hell I want to go off into and go to work for? Work for what? Money? I got all the money in the world. I'm the king, man. I run the underworld, guy. You count bad buildings for all my home. You count bad beds for all my sleep. You count bad sex for all my love. We get forward. But not my walk. You count by blood. But not my life. We get slower. So better say now. Don't wanna be under control. I wanna go to paranoia. I hear the guy who rule the world. No, no. So better say now. Don't wanna be under control. Matériaux Center, acier, bois et dérivés, clôture et grillage, 28 04 04.

Et c'est Muse à l'instant sur Energy, le titre Résistance. Avec un Coca-Cola bien frais, savoure chaque journée. Vibre au rythme de l'amitié. Profite de ta vie. Ajoute un peu de folie. Savoure chaque moment. Savoure l'instant. Energy Nouvelle-Calédonie. 93.5. 7h01. Bonne fête à toutes les fleurs et encore Capucine. C'est aussi la fête de Jasmine et de Violette. L'actu de la matinée sur énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Un squale bagué aperçu à Pau et attiré par des viscères. Et puis le gouvernement accusé de faire du bricolage avec le plan de sauvetage d'Alstom. Enfin, Haïti a dû affronter l'ouragan Matthew. Nous sommes le mercredi 5 octobre. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Un requin tigre bagué attiré par une carcasse de cerf à Poé. Sa visite a plongé en rien de temps Poé et les autorités dans l'inquiétude. Samedi vers 10h, un requin d'environ 2,50 m a été observé entre la faille Shark et l'îlot Eori, à quelques mètres de la plage. Ce squale est bien particulier. Il s'agit en effet d'un tigre bagué il y a plusieurs semaines lors des opérations de capture et de déplacement de requins en dehors du lagon. Après l'attaque mortelle, rappelez-vous, le 9 avril de Nicole Malignon, une sexagénaire tuée par un requin-tigre juvénile. Les restes de viscères que le tigre allait dévorer ont été évacués. Les gardes nature ont prévenu les pompiers de la commune qui ont alors mis en place une surveillance commune. Les quelques baigneurs ont été prévenus et priés de quitter l'eau. Un acte, s'il s'avère volontaire, complètement irresponsable et qui aurait pu être lourd de conséquences et qui rappelle en filigrane la lettre de menace d'un comité de soutien aux familles Tinkaréou, clan expulsé en 2015 de la plage de Deva, envoyé à la mairie de Bouraille à la Maison Bleue un mois après l'attaque du mois d'avril. Un Australien décède à Marée. Le touriste âgé de 58 ans était arrivé à Marée hier matin en bateau de croisière. L'homme s'est noyé alors qu'il était en train de se baigner sur la plage de Yedjele aux alentours de 13h. Après avoir fait de grands signes, l'Australien a été secouru par les pompiers en surveillance sur la plage. Mais l'homme était déjà en arrêt cardio-respiratoire. Il est décédé malgré les massages cardiaques effectués par les pompiers et les secours du dispensaire. Un conducteur flashé à 100 km au-dessus de la limite sur la Save. Les conduites inconscientes sur les routes calédoniennes s'enchaînent et les sanctions tombent. Hier à 11h10, un conducteur qui circulait dans la ligne droite entre le pont de Rivière-Salée et le pont de l'Impérial au volant d'un véhicule de société s'est fait prendre à une vitesse de 160 km/h sur une portion de route limitée à 70. La sanction a été immédiate, rétention du permis de conduire effectué et suspension de 6 mois. Lundi, c'est dans l'agglomération de Connay qu'un conducteur de 35 ans a été interpellé après avoir été flashé à 120 km/h pour une vitesse limitée à 50. La Nouvelle-Calédonie se plie aux décisions du tribunal administratif. Le gouvernement a arrêté hier en séance hebdomadaire deux modifications du budget 2016. Cela fait suite à la décision du tribunal administratif de Nouméa de vendredi dernier. Il avait donné raison à Sonia Lagarde, maire de Nouméa, qui demandait que la part des amendes dues aux infractions à la circulation routière reversées aux communes reste de 60% contre 30% que proposait le gouvernement. Eh bien, celui-ci doit maintenant trouver le financement pour appliquer la décision du tribunal. Cela représente un manque de près de 90 millions de francs au budget propre qui a été équilibré avec des recettes dégagées entre 2015 et 2016. Toutefois, cela ne représente que 0,14% du budget propre. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, selon le porte-parole du gouvernement, Philippe Dunoyer. Le fait est que le produit des amendes de 2015 est très très supérieur au produit des amendes de 2014. On est passé de 480 millions en 2014 à 670 millions en 2015. Donc c'est issu aussi d'une action des forces de l'ordre plus efficace probablement sur le terrain des actions de recouvrement. Ce qu'il faut surtout y voir, c'est suite à l'éclairage du tribunal administratif, une application donc de la délibération de 97 qui à ce stade est confirmée. Donc on se plie à cette décision de justice. Le gouvernement a souhaité corriger les inscriptions budgétaires le plus vite possible. C'est la raison pour laquelle 3 ou 4 jours après cette décision, on a présenté et fait valider par le gouvernement ces décisions modificatives pour encore une fois 402 millions au lieu de 128 au bénéfice des communes. Je crois que Nouméa représente 80% des amendes qui sont reversées. Donc on devrait être à 80% des 402 millions au bénéfice de la commune. Le Congrès se prononcera sur ces modifications le 19 octobre prochain. En métropole, le gouvernement confirme sa commande publique pour Alstom. Et il a dû se défendre mardi des accusations de bricolage lancées après l'annonce du plan de sauvetage du site de Belfort qui passera par l'achat par l'État de TGV pour les faire rouler à vitesse réduite. À moins de 7 mois d'élection présidentielle, François Hollande et Manuel Valls ont sans doute évité, avec l'aide du secrétaire d'État à l'industrie, un nouveau Florange où la fermeture des hauts fourneaux reste un symbole de l'incapacité du pouvoir à tenir ses promesses. Les élus locaux et les représentants syndicaux des salariés d'Alstom ont certes manifesté leur soulagement, mais ce plan improvisé en 3 semaines après l'annonce par Alstom du transfert en Alsace du site de Belfort laisse entière les interrogations sur un État actionnaire et une politique industrielle jugée défaillant. À Strasbourg, Emmanuel Macron ébauche un début de programme. Doucement mais sûrement, Emmanuel Macron se rapproche d'une candidature à l'élection présidentielle de 2017 pour son premier meeting depuis son départ du gouvernement intervenu fin août. L'ancien ministre devait mardi commencer à ébaucher l'ossature de son programme devant environ 1200 sympathisants de son mouvement, on le rappelle, En Marche. L'ouragan Matthew s'abat sur Haïti. Il est passé dans la matinée du mardi 4 octobre sur le sud-ouest d'Haïti, provoquant des rafales soufflant à 230 km/h. Le bilan provisoire fait état d'au moins 3 morts, des dizaines d'habitations ont été endommagées et des milliers de personnes évacuées. Au total, 9 280 personnes ont été évacuées dans les écoles, églises et autres centres communautaires. C'est la pire tempête qu'Haïti ait connue depuis des décennies et les dégâts seront sans doute significatifs. Plus de 4 millions d'enfants pourraient également être exposés aux dégâts de l'ouragan. Le Nobel de physique pour 3 chercheurs d'origine britannique. Comment ça marche? Alors, je ne vais pas donner leur nom, mais les chercheurs d'origine britannique ont effectivement remporté le prix Nobel de physique pour leur étude sur les changements d'état inhabituels de la matière. Et ça pourrait ouvrir la voie à de multiples innovations dans les domaines de l'électronique. Alors, leur découverte fondée sur la topologie, une branche des mathématiques, ont relancé la recherche sur la physique de la matière condensée. Ah oui. Et pourrait déboucher donc sur des innovations concrètes dans la mise au point, par exemple, de nouveaux composants électronique, de matériaux supraconducteurs ou encore d'ordinateurs quantiques. J'ai essayé d'être clair, c'est pas le cas, c'est pas grave. Et l'info insolite maintenant, ça aurait pu être celle-ci. Eh ben ouais, figure-toi JB que Tarzan a vraiment existé. Ah oui, le comte de Greystock est bien vivant. Tu te rappelles du comte de Greystock, comment il était physiquement? Tarzan ou le bah, Tarzan. Tarzan, ouais, un peu planté comme moi, quoi. Voilà, c'est ça. Bah, ouais. En fait, il a rien à voir, le vrai Tarzan. C'est qui, c'est quoi? C'est un homme de 85 ans. En fait, il a vécu 40 ans dans la jungle au Vietnam. Il a fui les bombardements en 1973 et avec son fils, alors âgé de 4 ans à l'époque, ils ont vécu pendant 40 ans dans la jungle en pensant qu'il y avait encore la guerre. Ils ont été retrouvés, en fait, il y a 3 ans. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'un documentaire leur est consacré. Lorsqu'ils ont été retrouvés, ils étaient dans une hutte à 5 mètres du sol qu'ils avaient construit. Ils ont été totalement isolés du monde extérieur. Ils ont survécu en se nourrissant de fruits, de légumes ainsi que d'animaux chassés. Ils ont forgé leurs propres outils avec des débris de bombes et fabriqué des habits à partir d'écorces d'arbres. Alors aujourd'hui, c'est pas terrible le retour à la vraie vie. Ils sont encore très apeurés. Tu te rappelles, le comte de Greystock, c'était pas facile pour lui. Et bien, comme lui, ils ont qu'une envie, c'est de retourner vivre dans la jungle. Figure-toi que ils parlaient à peine un petit peu un langage d'une tribu où très très peu de personnes parlent. C'était surtout un langage des signes qu'ils discutaient. Ce qui leur fait le plus peur, figure-toi, c'est l'électricité. Ouais. Ça, ils comprennent pas. Ils pensent quoi de Facebook? Ah ben là, c'est pas possible. Ils supportent pas qu'on les regarde dans les yeux. En fait, ils arrivent pas à s'acclimater à la vraie vie. D'accord, voilà. C'est terrible ça. Il y a un documentaire qui va sortir. Voilà, mais en attendant, vous avez des extraits sur internet où tapez Tarzan, vrai Tarzan, pendant 40 ans. Merci Jen, à tout à l'heure. Toute l'actu de la matinée sur énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Shut your eyes and hide your heart behind the shadow. 'Cause you can count on me as long as I can breathe. You should know I'll carry you through the night. bien démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Païta et Point Bout. On va revenir sur les 10 millions d'euros. C'est le butin de l'agression de Kim Kardashian en plein Paris dimanche soir. Une affaire qui a fait la une des médias du monde entier. Et on va surtout s'intéresser, nous, à sa bague de mariage de 20 carats qui avait été dévoilée aux MTV Awards et qui fait donc partie du butin. Et elle vaut à elle seule 4 millions d'euros. Ça fait 477 millions de nos francs pacifiques. Cette bague est signée Lauren Schwartz. Alors elle, c'est une héritière de 3 générations de diamantaires. Elle n'a pas boutique, elle n'a pas de showroom, juste un petit point où les gens peuvent venir voir quelques-unes de ses créations. Voilà, et cette bague est d'autant plus rare qu'elle est taillée en émeraude et que le diamant qui la compose, les diamants qui la composent sont de type LLA, ce qui signifie qu'ils n'ont absolument aucune imperfection, ce qui les rend très rares et presque inestimables. À titre de comparaison, seuls 2% des diamants au monde sont d'une telle qualité. Et toi, t'as eu quoi comme bague au mariage? Oh, c'est bien aussi, c'est bien. Énergie Nouvelle-Calédonie. 93.5. Vos enfants ont entre 3 et 8 ans, rejoignez Atoubouchou 3 pour les stages vacances périscolaires. Une équipe bienveillante, des activités ludiques et un environnement sécurisé et adapté aux besoins de votre enfant. Enseignement au 46 27 27. Atoubouchou 3 à Auteuil. Vous avez un voyant allumé sur votre voiture, un problème de filtre à particules ou de vanne EGR. Vous souhaitez consommer moins ? Electrocar s'occupe de votre véhicule. 80 83 83 ou sur Facebook Electrocar NC. Electrocar, la clinique de l'électronique automobile. Climatisation, pompe à chaleur, chambre froide, CFC vous donne rendez-vous au Salon Habitat Déco du 6 au 9 octobre. Représentant officiel de la marque Daikin, Panasonic et Midea, CFC vous garantit l'installation, le service après-vente et les pièces détachées. CFC met ses conseils et son savoir-faire à la disposition des Calédoniens depuis plus de 20 ans. Plus d'infos au 24 06 07. Jusqu'au 8 octobre, la boutique Abyss Plongée fait des bulles. Pour tout achat de 20 000 francs, une matinée de plongée bouteille vous est offerte. Découvrez toute la gamme Marès chez Abyss Plongée. Vente de matériel de plongée, SAV assuré. Abyss Plongée, Marina, Port du Sud, Baie de l'Orphelinat ou sur Facebook. Abyss Plongée, s'équiper, plonger, partager. La ville de Nouméa présente la grande finale Danse ma ville ce mercredi 5 octobre à 13h, place des Cocotiers. Venez nombreux soutenir et encourager les groupes de Baudoux, Champagna, Cluny, Caméré, Normandie, Tuban et Montravel. Votez dès maintenant pour votre groupe préféré sur Facebook Nouméa ma ville et rendez-vous ce mercredi pour la grande finale de Danse ma ville à 13h au kiosque à musique. Plus d'infos sur nouméa.nc. Ville de Nouméa, partageons l'événement. Après Munich, Oktoberfest débarque à Nouméa avec GBNC Events et Énergie. Retrouvez l'ambiance festive et conviviale de cette fête bavaroise, mise en musique par la fanfare Malawi, ainsi qu'une sélection de 4 groupes locaux de référence. Venez célébrer ce rendez-vous incontournable et passer de bons moments entre amis lors de ces 6 soirées gratuites. Retrouvez tout le programme d'Oktoberfest sur le Facebook GBNC Events. Torpedo sur Énergie, c'est la session rock cuisinée par Laurent Navarro. Rendez-vous à partir de 15h30 pour 20 minutes de rock british, australien, français ou ricain. Torpedo avec Pizza and Pasta, votre restaurant incontournable de Lanzvata. Classique, indé ou alternatif, les amplis crames et les guitares font leur show. Torpedo, la dose de rock d'énergie. Avec Pizza and Pasta, votre restaurant incontournable de Lanzvata, sur place ou à emporter. Station. Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie, it's music only.

rendez-vous tous les matins de la semaine pour commencer la journée avec la banane. Le gag d'énergie proposé par le restaurant La Terrasse du Hilton. Venez découvrir notre nouveau concept, les Buddha Bowls, tous les midis, du lundi au vendredi. Anne Roumanoff. Ah, ils sont relous les profs. T'as, ils foutent rien de toi un trimestre, puis ils se réveillent d'un coup et trois contrôles la même journée. Tu sais, moi je voulais faire genre, je tombe subitement malade. Mais ma mère, mais comment elle m'a pris la tête hier soir avec la facture détaillée de France Télécom? Enfin, j'ai dit, maman, on n'a qu'à pas payer. Ils ont 21 milliards d'euros de déficit. Ils s'en apercevront pas. Ma mère, elle me fait, Elodie, ça suffit, c'est pas l'hôtel ici. Attends, je me suis aperçue. Hein. À l'hôtel, dans ta chambre, on fait le ménage tous les jours. Ah, regarde la Corentin. Oh, il est trop canon. Oh, je le kiffe trop. Ah, il parle encore à Audrey. Celle-là, mais elle allume tous les gars, mais c'est une chaudière. Ça, c'est pas des jeans taille basque, là, c'est des jeans fesses basses. Attends, j'aime pas, elle a le ventre plat, limite creux. Attends, elle est tellement mec qu'on pourrait la faxer. Non, j'ai pas fait la fiche de lecture, c'est misérable. Eh, 408 pages, ça m'a saoulé. Je suis arrêtée à la page 4. Tu sais, j'ai acheté le résumé des misérables, là. 123 pages. Ça m'a saoulé. Je suis arrêtée à la page 3. Au secours, la marée monte, c'est la pêche au thon. Voilà, JB, je répète, au secours. Ouais, ouais, JB, ouais, t'inquiète, j'ai reçu tes textos, ouais. Ah, JB, avec son appareil dentaire, on dirait une voix ferrée. Non, il essaye de se coiffer, puis il arrive pas. Puis il a du miel dans les oreilles. Putain, on dirait une erreur humaine. Bah attends, mais il arrête pas de m'envoyer des textos. TBL. TBL. Toi aussi, t'en envoies un. Et toi aussi. Attends, mais JB, mais c'est Jardiland. Et il arrête pas de se prendre des râteaux. Eh, hey, JB, deux râteaux gratuits, une belle offerte. Bonjour, madame Chupineau. Vous penseriez me rendre mon portable à la fin de l'année? Ah, le jour, elle m'a chopé en cours en train d'envoyer un texto à Ludivine. S-K-T-U-D-O-R. Est-ce que tu dors? Non, heureusement, elle m'a confisqué le portable à ma mère. Ouais, j'ai dit à ma mère, je l'avais perdu. Non, elle m'a pas cru, tu sais, elle me fait comme ça. Elodie, tu es sûre que tu n'as pas été victime de raquettes dans ton établissement scolaire? J'ai fait, arrête, maman, tu regardes trop Zone Interdite. Ça, je peux pas dire, c'est Mme Chupineau qui me l'avait raquettisé. Si j'aime pas, elle veut jamais qu'on parle de l'actualité. L'autre jour, j'ai dit, madame, on peut faire un débat sur le Proche-Orient? Elle a dit, je vous donne 10 minutes. 10 minutes. Ah, c'est mon choix, il passe une heure sur chérie, je peux pas m'épiler. C'est dans 2 minutes, je contrôle l'histoire. Attends, c'est la révolution russe, c'est comment avec, comment, Lénine et Stallone? Non, Staline et Lennon. Il me regarde, Corentin. Attends, je veux pas qu'il voit que je le kiffe. Eh, c'est quoi, je lui envoie un texto anonyme. I-K-I-F-U. I kiff you. Eh, tu sais qu'il faut faire gaffe parce qu'au bac, t'as un point de moins par tranche de 10 fautes d'orthographe. Ouais, mais attends, moi j'ai peur, ça me gêne dans ma carrière d'avocate internationale. Ouais, c'est ça que je veux faire, tu sais, votre honneur. J'ai fixé la caution à 50 000 dollars avec mon associé Brad Pitt. Putain, je parle pas bien anglais, c'est pas grave. Moi, je serai avocate internationale en France. Ou sinon, je serai décoratrice d'intérieur. Ma mère, elle me fait tu pourrais commencer par ranger ta chambre? Et ma mère, comment elle a flippé avec la guerre de l'Irak? Elle avait stocké 30 kilos de sucre. J'ai dit, maman, ça fait 10 ans que tu bouffes des sucrètes. En plus, le camp des reines aurait été plus discret à stocker sous l'évier. Quand c'est Corentin, il me répond, il me met K-I-C. Qui c'est? Qu'est-ce que je lui mets? Ouais, A-P-L. Appel. Eh, tu sais, l'autre jour, à la manif contre la guerre, JB voulait qu'on fasse un lâcher de colombes, mais on n'en avait pas. On a pris des pigeons, on les a bombés en blanc. Elle est pas là, la prof d'anglais. Elle est encore en arrêt maladie. Putain, je suis trop dégoûtée. Attends, j'ai passé 2 heures à recouper l'antisèche. Attends, j'en ai marre. marre de bosser pour rien. Non mais franchement, elle a pas la carrure pour être prof. Attends, elle dit rien quand il y en a qui font les cons, puis après elle vient se plaindre qu'on la fait pleurer à chaque cours. Attends, mais c'est même pas nous, elle pleure toute seule. Ça c'est Corentin. Oh, le... Allô ? Corentin ? Ouais, moi c'est Elodie, 4ème C. Oh, je suis là, ouais. Physiquement, à quoi je ressemble ? Mon pseudo internet, c'est Little Bomb. Et tu sais quoi, tourne la tête sur la droite, je vais faire un petit signe discret. Vas-y, tourne la tête. Et la raccrocher. Du délire et les meilleurs humoristes, c'est le gag d'énergie avec le restaurant La Terrasse de Hilton. Découvrez notre formule Buddha Bowls qui fera de votre déjeuner un moment coloré, vitaminé, complet et sain. Le gag d'énergie, on n'y résiste pas. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Stop time for you. The second you say you'd like me to, I just wanna give you the loving that you're missing, baby. Just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. 'Cause I know I can treat you better than he can. Démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériau Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Paita et Point Boot. 28-04-04. L'anniversaire des célébrités, tous les matins sur Energy, avec le SAV Samsung Nouvelle-Calédonie, votre SAV agréé niveau 3 Samsung et pièce d'origine garantie. L'anniversaire d'Alessandra Sublet, elle a 40 ans, elle est maintenant sur Europe 1 avec un 16-18 pour une émission d'humeur et d'humour. Brian Johnson a 69 ans, c'est le chanteur du groupe AC/DC, mais il a dû arrêter avec le groupe puisqu'il souffre d'un gros problème d'audition. Il est remplacé par Axel Rose. Caroline Loeb a 61 ans et puis actuellement en tournage avec Justin Timberlake pour le nouveau Woody Allen. L'actrice Kate Winslet a 41 ans.

Mais le deuxième saint, professeur? Ah, il n'y a pas ça, c'est secret, ce Fraulein. Un peu déséquilibré du nichon, l'expérience est renouvelée dans les années qui suivent avec toutes sortes de matériaux. Vous inquiétez pas, madame. On va vous faire une poitrine à béton. Voulez-vous les pointilles? La première injection de silicone se fait au Japon, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont les prostituées qui se l'injectaient directement dans la poitrine, avant que Thomas Cronin et Frank Garrow ne mettent au point les premières poches de silicone en 1962. Technologie qui sera sans cesse améliorée, jusqu'à nos jours, au point que... Voyez, madame, là, je les sens à peine. Mais celui-là, tu la sens à peine? Je dégueulasse. Serait tout dans la minute du professeur Vanderkroot. Avec Cuisine Plus, chez Socapor Plexus Ducos, créez la cuisine qui vous ressemble. Fabrication 100% européenne, solidité et finition haut de gamme. Que t'as pour elle. Le problème c'est que je ne sais plus pour qui de nous deux tu te fais belle. Tu dis que mon amour reste, mais que tu te sens infidèle. Ça se voit tout de suite que malgré toi ces airs de femme te donnent des ailes. Tu dis que tu vis la bourgeoisie des sensations. Jamais choisir entre mes femmes, ça peut être du bon. Le truc qui cloche chez moi c'est que mon cœur est à toi. Et te savoir nu dans ses bras je supporterai pas. J'ai choisi de t'aimer sans savoir si de l'homme ou la femme le corps tu voulais avoir. C'est vrai que je t'ai aimé toujours sans faire d'histoire, sans chercher de pourquoi, mais je gardais quand même espoir. Tu dis que tu vis la bourgeoisie des sensations. Jamais choisir entre mes femmes, ça peut être du bon. Le truc qui cloche chez moi, c'est que mon cœur est à toi. Et te savoir nu dans ses bras, je supporterai pas. Et au fond j'aimais ça, penser qu'avant moi dans ton cœur aucun homme n'avait fait de dégâts. Et je n'aurais jamais cru qu'une simple histoire de cul allait menacer tous ces projets qu'on avait en vue. Tu dis que tu vis la bourgeoisie des sensations. Jamais choisir entre mes femmes, ça peut être du bon. Le truc qui cloche chez moi c'est que mon cœur est à toi. Et te savoir nu dans ses bras je supporterai pas. La bourgeoisie des sensations. Jamais choisir entre mes femmes, ça peut être du bon. Qu'elles te fassent de l'effet, ça, je ne te changerai pas. Entre elle et moi, faudra faire un choix. Nouvelle-Calédonie. Energy 93.5. Nous sommes le mardi 5 octobre, il y a un joli soleil et un petit peu de pluie pour demain. Bonne fête à Fleur et à Capucine, bonne fête à Violette ou encore à Jasmine. L'actu de la matinée sur énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Et c'est l'heure de l'info, il est maintenant 8h à l'écoute d'énergie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Un requin aperçu à Poé, le squale bagué et chassé du lagon a été aperçu en train de dévorer des viscères de cerf abandonnés. La présence de cette carcasse intrigue. Un Australien décède à Marais, l'homme âgé de 58 ans s'est noyé sur la plage de WGG. Et puis hier, un conducteur qui circulait dans la ligne droite entre le pont de Rivière-Salée et le pont de l'Impérial sur la Save s'est fait prendre à une vitesse de 160 km/h sur une portion de route limitée à 70. Son permis lui a été immédiatement retiré pour les 6 prochains mois. Deux modifications du budget 2016 au programme de la réunion du gouvernement d'hier. La part des amendes dues aux infractions à la circulation routière reversées aux communes reste de 60%. En métropole, le gouvernement a dû se défendre des accusations de bricolage lancé après l'annonce du plan de sauvetage du site Alstom de Belfort qui passera par l'achat par l'État de TGV pour les faire rouler à vitesse réduite. Et puis à Strasbourg, Emmanuel Macron ébauche un début de programme pour son premier meeting depuis son départ du gouvernement intervenu fin août. L'ouragan Matthew s'abat sur Haïti, il est passé dans la matinée de mardi provoquant des rafales à 230 km/h. Le bilan provisoire fait état de 3 morts, des dizaines d'habitations ont été endommagés, des milliers de personnes évacuées. Enfin, le Nobel de physique pour 3 chercheurs d'origine britannique pour leurs études sur les changements d'état inhabituels de la matière qui pourraient ouvrir la voie à de multiples innovations dans le domaine de l'électronique. Énergie. Sport News. Sport News. L'actualité sportive, c'est Sport News avec les pneus Pirelli, la puissance maîtrisée. Et l'OM va licencier José Anigo. L'Olympique de Marseille a engagé une procédure de licenciement contre son ancien directeur sportif. L'équipe dirigeante sur le départ, celle de la propriétaire Margarita Louis-Dreyfus, a enclenché la procédure, mais c'est le futur actionnaire majoritaire, l'Américain Frank McCourt, qui devra traiter ce dossier et ses indemnités de licenciement. Et tout de suite, c'est Rigobert Song qui, lui, est sorti du coma. Il était plongé depuis son accident vasculaire cérébral. L'AVC survenu dimanche. Il aurait ouvert les yeux et esquissé un sourire. L'ancien international camerounais de 40 ans, hospitalisé dans la capitale de son pays à Yaoundé, devrait être prochainement transporté en France. La suspension de Sharapova est réduite. La joueuse de tennis russe, suspendue 2 ans pour avoir pris du meldonium, a vu sa suspension réduite à 15 mois par le tribunal arbitral du sport de Lausanne. Elle pourra reprendre la compétition le 26 avril 2017, juste avant le tournoi de Roland-Garros qu'elle a quand même remporté 2 fois. Et on termine par le tournoi de Tokyo. Également, fils s'est facilement qualifié pour les 8e de finale de ce tournoi. C'était face à Yushi Sugita, 6-3-6-1. Et il affrontera Gilles Simon au prochain tour. Énergie. Sport News. Avec les pneus Pirelli, chez SGIA Pneus Montagne Coupée. Sport News, c'est sur Énergie. Énergie. Sport News. Tous les matins, de 8h à 9h, dans Caféine, c'est Karen qui prend les commandes. Avec Fitzone, découvrez le studio HIIT. Explosivité, minceur et résultats garantis. Plus d'infos au 24 16 80. À chaque fois que j'entends ce générique, j'ai l'impression qu'il parle de moi. Mais non, je plaisante. Allez, salut à tous. Et bien, ce matin, dans Caféine, oui, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous faire gagner des places de cinéma. Vous allez envoyer ciné au 35 11 pour gagner, pour gagner 2 places. Tu fais des bêtises ce matin. 2 places, pourquoi? Parce qu'il y a la sortie des films aujourd'hui. Vous aurez tout le détail à 10h30. Mais pour l'instant, je vais vous dire que Miss Peregrine et les enfants particuliers sortent aujourd'hui avec Eva Green, fantastique film de Tim Burton. Il y a Bridget Jones Baby, on va tous y aller les filles, comédie romance avec Renée Zellweger. Et là, c'est Patrick Dempsey, Colin Firth qui font partie du casting. Il y a Don't Breathe aussi, La Maison des Ténèbres, et puis Radin. Si vous ne l'avez pas vu, Radin, allez le voir, le dernier Danny Boone, il est absolument fantastique, et ce n'est pas juste un petit navet tout drôle avec des grandes oreilles. Voilà, vous pouvez donc gagner des places à tarif réduit pour aller voir Radin. Bah non, si t'es radin, tu gardes tes deux places pour toi, t'emmènes personne. Bah oui, mais justement, mais à 231 francs le SMS. Oui, c'est pas cher, c'est vrai. Voilà. Vous envoyez ça au 3511, il a raison, JB. Parce que JB, il s'y connaît. Non, je plaisante. T'es pas radin, t'es gentil, toi. T'es généreux. Je suis économe. T'as vu, t'as été sympa, hein? Puis là, tu t'es fait clasher. Ouais, d'un coup d'un seul. Exploser la tête. Jamaïca, c'est ce qu'on va écouter. Il y aura Nemo Schiffman, et puis tout de suite, ce sera le Zipper Club. Amateurs de spécialités japonaises, le Tanuki Sushi Train sur Lanzvata vous propose un large choix de plats chauds, wok, brochettes, sans oublier ses savoureux maki et sushi. Le Tanuki Sushi Train, à côté de pizza and pasta, sur place ou à emporter. Rendez-vous tous les soirs à partir de 21h30, moins 50% sur le Sushi Train. Le Ciné City présente Radin. T'es toujours aussi radin ? Non, pas du tout. Je te rappelle que tu m'as largué la veille de mon anniversaire pour pas m'offrir de cadeau. C'est une coïncidence. Combien j'ai sur mon compte déjà ? 248 596 euros. Faut que je fasse des économies. Vous faites déjà des économies ? Je peux faire mieux. Vous avez raté votre bus ? Est-ce qu'on paye en impôts locaux ? Je le prendrai quand ce sera gratuit. Radin, actuellement au cinéma. Ciné City, projecteur d'émotions. Envoie 10 sous au 41. Mais non, c'est pas 10 sous qu'il faut envoyer, c'est 100 comme 100 000 francs. Deviens un auditeur gagnant en écoutant Énergie. Bravo.